planète rap. Au cinéma, mon petit loup. Allez, tout ça, c'est disponible en streaming sur la BOD des gars. Demande pas plus d'abord. Je suis solo dans l'appart. L'argent, ça vient, ça va. Et j'ai les Schmitt dans les pattes. Ne sont pas chez moi. Ici ou là-bas. Donc faut faire du zoa. Car il faut qu'on se bat. Skyrock.